La luxure, quatrième des sept péchés capitaux de Gensu, Madeleine. Chapitre 1er. Le palais de l'Élysée Bourbon, ancien hôtel de la marquise de Pompadour, situé au milieu du faubourg Saint-Honoré, était dans ces derniers temps, ainsi qu'on le sait, l'hôtel garni des altesses royales étrangères, catholiques, protestantes ou musulmanes, depuis les princes de la Confédération germanique jusqu'à Ibrahim Pacha. Vers la fin du mois de juillet de l'une des années passées, vers les 11 heures du matin, plusieurs jeunes secrétaires et gentilshommes de la suite de son Altesse royale l'archiduc Léopold Maximilien, qui habitait l'Élysée depuis 6 semaines, étaient réunis dans l'un des salons de service du palais. « La revue donnée au Champ de Mars en l'honneur de son Altesse royale se prolonge, » disait l'un. « L'audience du prince encombrée ce matin. » « Le fait est, » reprit un autre, qu'il y a déjà 5 ou 6 personnes qui attendent depuis une demi-heure. Et Monseigneur, dans sa rigoureuse ponctualité militaire, regrettera fort cette inexactitude forcée. Une des portes de la salle s'ouvrit alors. Un jeune homme de 20 ans au plus, commensal de la maison, traversa le salon et entra dans une pièce voisine, après avoir salué, avec un mélange de bienveillance et de timidité, les personnes dont nous avons parlé, et qui s'est élevé à son aspect, lui témoignant ainsi une sorte de déférence que son âge et sa position ne semblaient pas d'ailleurs commander. Lorsqu'il eut disparu, l'un des gentilshommes reprit en faisant allusion au très jeune homme qui venait de traverser le salon. « Pauvre comte Franz, toujours aussi timide. Une jeune fille de 15 ans sortant du couvent aurait plus d'assurance que lui. Qui croirait, à le voir si virginal, qu'il a fait pendant 3 ans la guerre du Caucase avec une rare bravoure, et qu'il a eu à Vienne un duel acharné dont il est vaillamment et brillamment sorti. Moi, messieurs, je me figure que le comte Franz devait toujours baisser candidement les yeux en allongeant ses coups de sabre aux circassiens. Du reste, je crois que son Altesse royale s'accommode fort de l'ingénuité de son... Diable, pas d'indiscrétion, mon cher. « Laissez-moi achever. Je dis que Monseigneur s'accommode fort de la persistance ingénuité de son filleul. À la bonne heure. Et je pense, comme vous, que le prince n'avait pas vu sans quelque crainte ce beau garçon exposé aux tentations de ce diabolique pari. Mais qu'avez-vous à sourire, mon cher ? Rien. Est-ce que vous pensez que le comte Franz, malgré son apparente innocence, a eu quelque amourette ? « Voyez un peu toutes les belles choses que peut signifier un sourire, car je vous prends à témoin. Je me suis contenté de sourire. »« Sérieusement, mon cher, pensez-vous que le comte Franz ?»« Je ne pense rien, je ne dis rien. Je serai muet comme un diplomate qui a intérêt à se taire, ou comme un jeune officier des gardes nobles lorsqu'il passe pour la première fois sous l'inspection de Monseigneur. » Le fait est que le prince a un de ces regards qui impose aux plus hardis. Mais pour en revenir au comte Franz, cet entretien fut interrompu par un collègue des personnages réunis dans le salon de service. Ce nouveau venu fit oublier le comte Franz, et 2 ou 3 voix lui demandèrent à la fois « Eh bien, votre merveille, cette fameuse usine du faubourg Saint-Marceau, cela valait-il au moins la peine d'être vue ? Pour moi, messieurs, qui suis très curieux de ces constructions de machines, répondit celui qui venait d'entrer. « Cette matinée a été du plus grand intérêt, et je déclare M. Charles Dutertre, le propriétaire de cette usine, un des plus habiles et des plus savants mécaniciens que je connaisse, en ajoutant qu'il est peu d'hommes plus avenants. Je compte même engager Monseigneur à aller visiter ses ateliers. À la bonne heure. Vous, mon cher, on ne nous accusera pas de perdre votre temps à des futilités. Moi, j'ai 2 moins hautes prétentions. » Et ma prétention n'est même encore qu'à l'état d'espérance. Et cette espérance est d'être invité à dîner chez le célèbre docteur Gasterini, le plus illustre, le plus profond gourmand de l'Europe. On dit en effet que sa table est un échantillon du paradis des gourmands. Je ne sais, hélas, s'il sera pour moi de ce paradis comme de l'autre, mais j'espère. Moi, j'avoue ma faiblesse. De tout ce que j'ai vu à Paris, Ce qui m'a le plus charmé, fasciné, ébloui, ravi, je dirais même instruit, c'est, voyons, eh bien, c'est... Dû ce blasphème faire rougir notre pudique et fière Germanie, c'est... Achevez donc. C'est le bal, Mabi. Les rires, les exclamations provoquées par ce franc aveu duraient encore lorsqu'un des secrétaires de l'archiduc entra, tenant de lettres à la main, et s'écria gaiement « Messieurs, des nouvelles toutes fraîches de Bologne et de Venise. Bravo, mon cher Ulrich, et quelles nouvelles ? Les plus curieuses, les plus extraordinaires du monde, vraiment. Vite, contez-nous cela, cher. Bologne d'abord, Venise ensuite, ont été pendant plusieurs jours dans une agitation incroyable par suite d'événements non moins incroyables. Une révolution, un mouvement de la jeune Italie, un nouveau mandement du pape libérateur ? Non, messieurs, il s'agit d'une femme. D'une femme ? Oui, à moins que ce ne soit le diable, et j'inclinerai à le croire. Ulrich, vous nous mettez au supplice. Expliquez-vous donc. Vous rappelez-vous, messieurs, avoir entendu parler en Allemagne l'an passé de cette jeune veuve mexicaine, la marquise de Miranda ? Parbleu, c'est elle que notre poète Moser Hartmann a chanté en vers si magnifique et si passionné sous le nom de la moderne Aphrodite. Ah ah, quelle plaisante erreur ! Dit un des interlocuteurs en riant aux éclats. Moser Hartmann, le poète religieux et spiritualiste par excellence, le poète chaste, pur et froid comme la neige immaculée, allait chanter Aphrodite en vers brûlants. J'ai entendu, en effet, citer ces vers vraiment admirables, mais ils sont évidemment d'un autre Hartmann. « Moi, je vous assure, mon cher, et Ulrich vous le confirmera, que ce poème, que l'on place avec raison à la hauteur des plus belles odes de Sappho, est bien de Moser Hartmann. »« Rien n'est plus vrai, » reprit Ulrich. « J'ai entendu Moser Hartmann réciter lui-même ces vers, dignes de l'Antiquité. »« Alors je vous crois. Mais comment expliquer cette transformation soudaine, inconcevable ? Eh mon Dieu ! Cette transformation qui a changé un homme d'un talent estimable, mais correct et froid, en un homme de génie, plein de fougue et de puissance, dont le nom est à cette heure européen, cette transformation a été opérée par la femme que le poète a chantée, par la marquise de Miranda. Moser Hartmann ainsi changé. J'aurais cru la chose impossible. Bon, reprit Ulrich, la marquise en a fait bien d'autres. Et voici un de ses meilleurs tours que l'on m'écrit de Bologne. Il y avait là un certain cardinal légat, la terreur et l'aversion du pays. C'est nommé Orsini, homme aussi détestable que détesté. Et il a bien l'extérieur de son emploi. Je l'ai vu en Lombardie. Quelle figure cadavéreuse et sinistre. Je me suis toujours ainsi représenté le type de l'inquisiteur. Eh bien, la marquise l'a conduit au bal du casino de Bologne, masqué et déguisé en cavalier pandour. « Le cardinal légat en cavalier pandour ? » s'écria-t-on tout d'une voix. « Allons donc, Ulrich, c'est un conte bleu. Vous lirez cette lettre. Et quand vous verrez de qui elle est signée, vous ne douterez plus, incrédule que vous êtes, » reprit Ulrich. « Oui, la marquise s'est fait accompagner de l'Orsini ainsi déguisé, puis, en plein bal, elle lui a arraché son masque en lui disant à haute voix « Bonsoir, cardinal Orsini !» Et riant comme une folle, elle a disparu, laissant le légat exposé aux huées de la foule exaspérée. Il eut couru quelques dangers sans la force armée qui vint le protéger. Le lendemain, Bologne se soulevait pour demander le renvoi de l'Orsini qui, après 2 jours d'agitation, a été forcé de quitter nuitamment la ville. Le soir, toutes les maisons ont été illuminées en signe d'allégresse. Sur plusieurs transparents, on voyait, m'écrit-on, 2 M entrelacés, le chiffre de la marquise. Et elle, qu'est-elle devenue ? On ne l'a plus revue. Elle était partie pour Venise, reprit Ulrich en montrant une seconde lettre. Là, m'écrit-on, ça a été bien autre chose. Quelle femme ! Quelle femme ! Comment est-elle ? L'avez-vous vue ? Non. Ni moi, ni moi. On dit qu'elle est très grande et très mince. On m'avait dit à moi qu'elle était d'une taille plus qu'ordinaire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est brune. car Moser Hartmann parle de ses yeux noirs et de ses noirs sourcils. « Tout ce que je puis dire, reprit Ulrich, c'est que dans cette lettre de Venise, d'où la marquise est partie tout récemment pour la France, assure-t-on, on appelle assez poétiquement cette femme singulière la blonde étoile, ce qui donnerait à penser qu'elle est blonde. Mais à Venise, qu'a-t-elle fait? Que s'est-il passé? Ma foi, répondit Ulrich, c'est une aventure qui tient à la fois des mœurs de l'Antiquité païenne et de celles du Moyen-Âge en Italie. Malheureusement, pour la curiosité des auditeurs d'Ulrich, le bruit soudain d'un tambour battant au champ ayant annoncé le retour de l'archiduc Léopold, chaque personne de la maison du prince regagna son poste. On se tint prêt à recevoir l'Altesse royale. En effet, le factionnaire de l'Élysée Bourbon, ayant vu de loin venir rapidement plusieurs voitures à la livrée du roi des Français, avait poussé le cri « aux armes ». Les soldats de garde, leurs officiers en tête, s'étaient alignés, et au moment où les voitures de la cour entraient successivement dans l'immense cour de l'Élysée, le tambour battit au champ, la troupe présenta les armes. La première des voitures s'arrêta devant le palais. Les valets de pied à grande livrée rouge ouvrirent la portière, et son Altesse royale, l'archiduc Maximilien Léopold, monta lentement les degrés du perron en s'entretenant avec un colonel, officier d'ordonnance, chargé de l'accompagner. À quelques pas du prince venaient ses aides de camp, vêtus de brillants uniformes étrangers et déposés à leur tour au pied du perron par les voitures royales. L'archiduc, âgé de 39 ans, était d'une taille à la fois robuste et élancée. Il portait avec une roideur martiale le grand uniforme de feld-maréchal, habit blanc à épaulettes d'or, culotte de casimir écarlate, sur laquelle tranchait le noir luisant de ses grandes bottes à l'écuyère, un peu poudreuses, car il avait assisté à cheval à une revue de troupes commandée en son honneur. Le grand cordon rouge, le collier de la toison d'or et 5 ou 6 plaques d'ordre différents ornaient sa poitrine. Ses cheveux étaient d'un blond pâle, comme sa longue moustache militairement retroussée, qui rendait plus rude encore l'expression de ses traits, qu'accusait fortement la carrure du menton et l'arête proéminente du nez. L'œil bleu, pénétrant et froid, à demi couvert par la paupière, s'enchâssait sous un sourcil très relevé. Aussi le prince avait-il toujours l'air de regarder de très haut. Ce regard sévère, dédaigneux, joint à une attitude impérieuse, un port de tête inflexible, donnait à l'ensemble de la personne de l'archiduc un remarquable caractère d'altière et glaciale autorité. Depuis un quart d'heure environ, le prince était rentré à l'Élysée, lorsque la voiture d'un ministre français et celle d'un ambassadeur d'une grande puissance du Nord, s'arrêtant successivement devant le perron, l'homme d'État et le diplomate entrèrent dans le palais. Presque à ce moment, l'un des principaux personnages de cette histoire arriva pédestrement dans la cour de l'Élysée Bourbon. Monsieur Pascal, notre héros s'appelait ainsi, paraissait avoir environ 36 ans. Il était de taille moyenne, très brun, et portait une assez longue barbe, rude et noire comme ses sourcils, sous lesquels luisaient 2 petits yeux gris, très clairs, très fins et très perçants. Il marchait légèrement voûté, non par suite d'une déviation de sa taille, mais par une sorte de nonchaloir. Ayant d'ailleurs coutume de tenir presque toujours sa tête basse et ses 2 mains plongées dans les goussets de son pantalon, cette attitude arrondissait forcément ses larges épaules. Ses traits étaient surtout remarquables par une expression de dureté sardonique à laquelle se joignait cet air d'inexorable assurance, particulier aux gens convaincus et vains de leur toute-puissance. Une étroite cravate noire nouée, comme on dit à la Colin, un long gilet de coutil écossais, un léger paletot d'été de couleur blanchâtre, un chapeau gris assez râpé et un large pantalon de nankin, dans les goussets duquel M. Pascal tenait ses mains enfoncées, tel était son costume, d'une propreté douteuse et parfaitement en harmonie avec l'extrême chaleur de la saison et le sang-gêne habituel de ce personnage. Monsieur Pascal, lorsqu'il passa devant la porte du Suisse, fut interpellé par ce fonctionnaire de la loge qui, du fond de son fauteuil, lui cria « Eh, dites donc, monsieur, où allez-vous » Soit que Monsieur Pascal n'entendit pas le Suisse, soit qu'il ne voulut pas se donner la peine de lui répondre, il continua sans mot dire de se diriger vers le perron. Le Suisse, quittant alors forcément son fauteuil, courut après le muet visiteur et lui dit impatiemment « Encore une fois, monsieur, où allez-vous donc ? On répond au moins !» Monsieur Pascal s'arrêta, toisa dédaigneusement son interlocuteur, haussa les épaules et répondit, en se remettant en marche vers le perron, « Je vais chez l'archiduc. » Monsieur le Suisse savait son monde. Il ne put s'imaginer que ce visiteur en paletot d'été en cravate à la Colin eut réellement une audience du prince et surtout osa se présenter devant lui dans un costume si impertinemment négligé, car toutes les personnes qui avaient l'honneur d'être reçues au palais étaient ordinairement vêtues de noir. Aussi, monsieur le Suisse, prenant monsieur Pascal pour quelque fournisseur égaré ou mal appris, le suivit en lui disant à haute voix « Mais, monsieur, les marchands que son Altesse royale fait venir ne passent pas par le grand escalier. Voilà, là-bas, à droite, la porte du fournisseur et des communs par laquelle vous devez entrer. » Monsieur Pascal n'aimait pas les paroles inutiles. Il haussa de nouveau les épaules et continua de s'avancer vers le perron sans répondre au Suisse. Celui-ci, exaspéré par ce silence et cette opiniâtreté, saisit alors monsieur Pascal par le bras et, élevant la voix, s'écria « Encore une fois, monsieur, ce n'est pas par là que vous devez entrer. »« Qu'est-ce à dire, drôle ?» s'écria monsieur Pascal avec un mélange de courroux et de stupeur, comme si l'attentat du Suisse lui parut aussi audacieux qu'inconcevable. « Sais-tu bien à qui tu parles ?» Il y eut dans ces mots, dans leur accent, une expression d'autorité si menaçante que le pauvre Suisse, à un moment effrayé, balbutia « Monsieur, je ne sais. » La grande porte du vestibule s'ouvrit alors brusquement. L'un des aides de camp du prince ayant vu, de l'une des fenêtres du salon de service, s'élever l'altercation du Suisse et du visiteur, descendit précipitamment les degrés du perron, s'avança avec empressement vers M. Pascal et, s'adressant à lui en excellent français, lui dit d'un ton pénétré « Ah, monsieur, son Altesse royale sera, j'en suis sûr, au regret de ce malentendu. Veuillez me faire l'honneur de me suivre. Je vais vous introduire à l'instant. J'ai reçu tout à l'heure des ordres de monseigneur à votre sujet, monsieur. » M. Pascal baissa la tête en manière d'assentiment et suivit l'aide de camp, laissant le Suisse ébahi et désolé de sa maladresse. Lorsque M. Pascal et son guide furent arrivés dans le salon d'attente où se trouvaient d'autres aides de camp, le jeune officier reprit « L'audience de son Altesse royale est encombrée ce matin, car la revue a retenu Monseigneur plus longtemps qu'il ne le pensait. Aussi, désirant vous faire attendre le moins possible, monsieur, il m'a ordonné de vous conduire, dès votre arrivée, dans une pièce voisine de son cabinet. Son Altesse royale ira vous rejoindre aussitôt après la conférence qu'elle a en ce moment avec monsieur le ministre des Affaires étrangères. » Monsieur Pascal fit de nouveau un signe d'assentiment, et précédé de l'aide de camp, il traversa un couloir assez obscur et arriva dans un salon donnant sur le magnifique jardin de l'Élysée. Au moment de se retirer, l'aide de camp, distrait jusqu'alors par la malencontreuse altercation du Suisse et de M. Pascal, remarqua le négligé de ce dernier. Habitué aux sévères formalités de l'étiquette, le jeune courtisan fut étrangement choqué de l'irrespectueux costume du personnage qu'il venait d'introduire. Il hésita entre la crainte d'indisposer un homme tel que M. Pascal et l'envie de protester contre l'inconvenance de sa tenue, espèce d'injure faite à la dignité du prince, inexorable pour tout ce qui touchait aux égards dus à son rang. Mais la première crainte l'emporta et l'aide de camp, réfléchissant d'ailleurs qu'il était trop tard pour engager notre homme à aller se vêtir plus révérencieusement, lui dit en se retirant « Dès que monsieur le ministre des Affaires étrangères sera sorti du cabinet de son Altesse royale, je la préviendrai, monsieur, que vous êtes à ses ordres. » Ces derniers mots, que vous êtes à ses ordres, parurent mal sonner aux oreilles de M. Pascal. Un demi-sourire sardonique plissa ses lèvres, mais faisant bientôt ainsi qu'on dit, comme chez lui, et trouvant sans doute la température du salon trop élevée, il ouvrit une des fenêtres, s'accouda sur la balustrade et, gardant son chapeau sur sa tête, se mit à examiner le jardin.